Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et Radio RGB.net. Le week-end en famille, 1. Chloé Gilbert, donc rentrons dans le vif du sujet de ce week-end 1, ce week-end en famille qui aura lieu, je le rappelle, les 19 et 20 octobre prochains. Alors, qu'avons-nous au programme de ce week-end? À la fois des spectacles, des concerts, comme on va le découvrir aussi, mais des rencontres à partager en famille, dans des moments plus conviviaux peut-être. Tout à fait. Alors sur ce premier week-end, et on retrouvera ce type de rendez-vous tout au long de la saison avec les trois week-ends en famille, l'idée c'est d'avoir une proposition où on peut pratiquer en famille. L'idée étant forcément de connecter au maximum les choses avec la programmation et de profiter aussi des artistes qu'on accueille dans le cadre des spectacles qui sont programmés. Donc pour ce premier week-end, on a un atelier sculpture qui va être justement proposé par Yvan Cléda et Coco Petit-Pierre autour justement du spectacle. Ermitologie, tout à fait. Mmh. Cet atelier est en partenariat avec la Maison des Arts, espace de médiation artistique et culturelle, partenaire que l'on retrouvera également sur l'ensemble des week-ends en famille. Donc cet atelier aura lieu le samedi 19 octobre à 14h au Théâtre 95, et contrairement à ce qui avait été noté, je crois, dans la plaquette. Oui, tout à fait. L'atelier est finalement accueilli au Théâtre 95 en raison des travaux de la Maison des Arts. On insiste bien sur le fait que cet atelier sculpture, c'est en famille. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois un binôme adulte-enfant. Tout à fait. Alors, c'est pas forcément parent-enfant, ça peut être grand-père-enfant, enfin voilà, tante-oncle, toute la famille est la bienvenue. Grand-frère, éventuellement. Tout à fait. Du moment, enfin voilà, en famille et entre amis. Grand-sœur, hein. En tout cas, là aussi, l'idée, c'est de partager ensemble. Donc, c'est pas, on n'est pas sur des ateliers pour enfants, on est des ateliers. Voilà, à vivre en famille. Mmh. Avec, pour ce premier week-end, justement, le spectacle, il y a une représentation qui a lieu le soir même. Ceux qui auront participé à l'atelier sculpture peuvent assister au spectacle ensuite? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs beaucoup plus intéressant dans l'articulation des choses de faire un atelier avec les artistes et de découvrir ensuite le spectacle. Mmh. Alors, nous avons un concert en famille aussi dans le cadre de ce programme où il sera question, c'est bien d'un concert et spectacle, oui, pour marionnettes, ombre, accordéon, violoncelle et contrebasse, Benoît Giraud. Oui, c'est une formation un peu hétéroclite, mais il s'agit vraiment d'un spectacle, d'un conte qui est à partager par des enfants, par des plus grands également. Un conte merveilleux sur une musique non moins merveilleuse qui a été composée par un grand compositeur du XXe siècle, Stockhausen, qui est associé à des musiques un petit peu extraordinaires, hein, qui est un à la fois un mathématicien, un physicien, un compositeur, et qui justement a écrit des petits fragments de musique autour des signes du zodiaque. Et qui va ponctuer ce conte musical qui a été écrit par Aurélie Hubeau et qui sera interprété par des musiciens dont le professeur de contrebasse du CRR. Alors j'ai dit marionnette parce qu'il y a un personnage au cœur de cette histoire, c'est la petite fille, c'est ça? Absolument, c'est une petite fille qui, en pleine nuit, va s'enfuir de chez elle et qui va débuter un véritable voyage au bout de la nuit. Mmh. Sans oublier que, cependant, la musique, eh bien, c'est le premier personnage. La musique est le personnage principal. Elle est live, c'est-à-dire qu'il y a des musiciens sur la scène. Et c'est un spectacle à la fois très poétique, qui fait voyager, qui donne du sens aussi à l'actualité, l'humanité. Bon. Mmh. Alors, live, on peut citer les musiciens, parce que de la musique en direct, live, avec des musiciens, autant les citer. On les a peut-être à portée de main, ces musiciens. Non. Alors, je sais qu'il y a Aurélie Hubeau qui sera là. Quelle chance pour vous. Charlotte Testu, qui est la contrebassiste, et puis qui amène avec elle trois ou quatre amis autour de son instrument, la contrebasse, qui est aussi un personnage principal. En fait, Tierkreis est une partition à géométrie variable. C'est-à-dire qu'elle peut être jouée par un grand orchestre, elle peut être jouée par 3 musiciens, elle peut être jouée par un ensemble de 20 musiciens. Et là, c'est une adaptation qui est faite pour un ensemble réduit et justement qui laisse la place à la poésie de la marionnette. Alors, je vais préciser, parce que rendons à César ce qui appartient à César, sans oublier ceux qui agissent dans l'ombre pour que le spectacle devienne une réalité partagée. La direction musicale, c'est Sébastien Bouins. La scénographie, c'est Antonin Bouvresse. Et la mise en scène pour la marionnette et les ombres, c'est Aurélie Hubeau. Voilà, on aura cité l'ensemble eh bien, de ceux qui vont donner corps à ce spectacle. Tierkreis, c'est bien ça ? Tierkreis, pardon. Et sur la musique du célèbre compositeur Stockhausen. Et la conduite musicale, c'est à partir de 12 mélodies pour résonner avec les 12 signes du zodiaque. Absolument. Très bien. Eh bien, rendez-vous est pris pour le dimanche 20 octobre à 11h à l'auditorium du Conservatoire à rayonnement régional. C'est l'auditorium Olivier Messiaen. Suite du programme, parce que nous n'en avons pas terminé, Chloé, s'il y a d'autres choses à se proposer en famille à l'occasion de ce week-end. Oui, tout à fait. L'idée était de proposer un véritable parcours tout au long du week-end. Après, évidemment, on n'est pas obligé de suivre l'ensemble des rendez-vous. On propose un brunch en famille qui aura lieu au Café de la Plage, justement à l'issue du concert en famille. Et l'idée, là aussi, c'est de... En dehors des rendez-vous de spectacle ou de pratique, de proposer, de transformer un peu l'espace du Théâtre 95 en un espace très ludique avec des jeux et là aussi à vivre en famille. Quand on dit partager un lieu, parce que c'est vrai qu'au départ, dans l'esprit de chacun, un théâtre, c'est le temps des représentations. Aujourd'hui, la volonté de Point Commun, c'est d'afficher que ce lieu soit ouvert le plus souvent possible, y compris en dehors des temps de représentation. C'est ça l'idée. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est de évidemment s'ouvrir sur notre territoire puisqu'on n'est pas un lieu hors sol. Et c'est de casser aussi un peu la barrière qui peut exister puisque la scène nationale est un lieu où on va voir un spectacle, mais c'est aussi un lieu où on peut s'installer, jouer avec ses enfants, passer un moment en famille, manger un bon brunch. Et là, bien sûr, aller voir des spectacles, mais voilà, sans que le parcours soit obligatoire. Le dimanche 20 octobre, dans cet esprit-là, il y aura un partenariat avec l'association Le Jeu pour tous. Là, on est dans un bar à jeux et les centres socioculturels Aquarelle de Pontoise sont aussi conviés à participer. Oui, tout à fait. Ça fait partie aussi du lien qu'on essaie de développer, des relations qu'on essaie de développer avec les acteurs du territoire, avec les maisons de quartier qui sont forcément très en contact avec les familles du territoire. Alors, après avoir déjeuné, après s'être un peu amusé dans ce bar à jeux, on est même convié à une petite conférence, Lumière pour enfants, vétérinaire auprès des animaux sauvages, une conférence animée par Marie-Claude Bomsel. Tout à fait. Là aussi, c'est un rendez-vous qu'on va retrouver en fait tout au long de la saison sur chacun des week-ends en famille. C'est donc un concept qui a été créé par Gilberte Tsai, ancienne directrice du Centre dramatique national de Montreuil, et donc qui s'appelle Petite conférence Lumière pour enfants. Là aussi, évidemment, ça s'adresse, on va dire, en premier lieu aux enfants, mais l'idée c'est de proposer un rendez-vous pour toute la famille où on apprend et où on échange autour de sujets spécifiques en lien plus ou moins direct avec la programmation. C'est un rendez-vous qui est gratuit. Très bien, le rendez-vous est noté dimanche 20 octobre à 14h30, toujours au Théâtre 95 sur le quartier Cergy Grand Centre, préfecture aussi puisqu'elle est à proximité de ce même théâtre pour ceux qui viennent peut-être d'arriver, comme il y a sans cesse de nouveaux habitants sur ce territoire, autant les guider pour leur faciliter effectivement le repérage de ces lieux de culture dans notre territoire. Est-ce qu'on a tout dit sur cet événement week-end en famille, Chloé? Oui, je pense qu'on en a dit beaucoup et c'est surtout l'idée de le découvrir ensemble puisque pour l'équipe aussi, c'est le premier temps fort week-end en famille. Et puis, il y a eu effectivement Arnaud Pirot, on a bien parlé de Weekend Be Heroes, mais on est aussi très satisfait puisqu'on a une soixantaine de participants, là aussi avec un groupe très intergénérationnel, avec des familles. A priori, on a des participants de 8 à 87 ans. Donc en termes de dynamique intergénérationnelle, c'est plutôt réussi. Qui débutent des ateliers dès samedi et qui vont investir la place des arts pour une performance étonnante et très joyeuse le samedi. Eh bien, on a noté tous ces rendez-vous. Peut-être un dernier mot, Benoît Giraud, sur ce partenariat. On disait que ça ne s'exprime pas seulement à l'occasion de ce premier week-end en famille, mais que vous avez un partenariat tout au cours de l'année avec la scène nationale de Cergy-Pontoise, avec Point Commun, une passerelle ce qui est durable. Absolument, c'est une passerelle durable, c'est une passerelle qui va encore se développer dans les années à venir. Mais effectivement, nous déclinons cette participation, alors sur chaque week-end des familles, avec un moment le dimanche matin, mais aussi en intervenant lors d'un très beau spectacle au mois de mai, autour de Pierre et le Loup, et puis aussi par des interventions d'artistes qui sont soit en résidence à la Nouvelle Scène Nationale, soit qui sont des artistes qui viennent et qui travaillent en lien avec les classes de danse, les classes de théâtre aussi du CRR. Donc il y a des liens structurants qui se sont mis en place et on s'en réjouit tous. Très bien, tout cela pour montrer effectivement que ce Point Commun, comme le CRR, s'adresse au plus grand nombre, s'intéresse à tous les publics sans aucune exception. Merci à vous deux, merci Chloé Gilbert, merci Benoît Giraud.